À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous et bienvenue à l'écoute d'Apocalypse, l'émission d'actualité musicale proposée par Hands Up. Et cette semaine, on revient donc dans l'actualité après un petit détour dans les méandres plus historiques avec le death metal la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas si ça vous a plu, de nouvelles spéciales sont prévues. J'en sortirai à peu près une par mois dans la mesure du possible. Mais du coup, cette semaine, émission complètement normale, c'est-à-dire une heure tournée sur l'actualité musicale. Et on va commencer tout de suite par quelque chose de tout frais, tout neuf. C'est sorti hier et c'est le nouveau Karash Engren. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Karash Engren, c'est un groupe de black metal symphonique qui vient des Pays-Bas. Et ils sortent donc leur quatrième album This Is No Fairy Tale, basé sur le conte, donc voilà, titre un petit peu ironique, basé donc sur le conte Hansel et Gretel qu'ils ont un petit peu mis au goût du jour avec une mise en place des personnages dans le 21e siècle. Donc les deux enfants sont élevés par un père alcoolique, une mère héroïnomane qui se fait taper dessus par le père, et ils essaient de s'enfuir et trouvent, comme dans le conte des frères Grimm, la sorcière, etc. Donc ça reste dans le plus pur style Karash Engren, ce qu'ils font depuis leur début, c'est-à-dire black metal symphonique très très technique, avec un énorme travail au niveau des orchestrations. Elles sont une nouvelle fois géniales, le son est toujours aussi bon à ce niveau-là. Notamment sur le morceau que je vais vous passer, donc Possessed by a Craft of Witchery, sur lequel on trouve une mélodie au cuivre qui enrobe en gros blast typiquement black metal, et ça c'est vraiment des passages que je trouve les mieux réussis de l'album. Il y a quelques petites choses critiquables, après c'est peut-être un avis un peu personnel à ce niveau là, mais par exemple il y a des moments où c'est un petit peu trop entre guillemets kitsch, où le côté théâtralisation de la musique qu'ils font depuis le début est vraiment trop poussé, on le sent trop, quoi, que c'est trop exagéré, voilà. La frontière est ténue entre l'excellent et l'exagéré, et des fois ils vont du côté exagéré, c'est le cas un petit peu sur certains passages de cet album. Mais globalement il est vraiment bon, pas de gros défauts, quoi. C'est vraiment des petits détails comme ça qui me déplaise entre guillemets un petit peu, mais je pense que c'est plus en avis personnel qu'en vrai défaut, qui pourrait être en son pourri ou des compos nuls, tout de ce niveau-là, tout est vraiment très bon. Pas de grosse originalité, si vous aimez ce qu'ils ont fait avant, ça vous plaira, si vous aimez pas, ça vous plaira pas, donc pas d'énormes surprises. Du coup, je vous propose de s'écouter tout de suite Possessed by a Craft of Witchery de Karash Engren, extrait de This Is No Fairy Tale qui est sorti hier chez Season of Mist. C'est parti!

Voilà, ce gros son bien lourd, bien mat, bien dense, c'était The Acacia Strain, pardon, avec le morceau Delusionalisphère, j'ai réussi à le dire du premier coup, je suis trop fort, extrait de leur dernier album en date, Coma Witch, c'était le 7ème, et donc c'est The Acacia Strain, c'est un groupe de deathcore. Alors là, le groupe, enfin c'est le groupe du chanteur Vincent Bennett qui est le seul membre permanent en fait depuis que le groupe existe, depuis 2001 si je dis pas de bêtises, le premier album. Donc c'est le seul membre permanent et il refuse, quitte à être violent, j'ai trouvé ça, c'était assez rigolo sur la page Wikipédia du groupe, quitte à être violent envers ceux qui disent ça, l'étiquette deathcore. Donc voilà, moi je dis que c'est du deathcore, donc j'espère qu'il va venir me casser la gueule pour qu'on discute. En attendant, bah voilà, c'est du deathcore, mais pas que. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté, surtout sur ce morceau là où tout est lent et un petit peu déconstruit sur la fin, où on sait plus trop où se situe le tempo. Il y a une petite touche djent qui apparaît, mais ça reste quand même voilà, du deathcore, voilà, gros truc bien frontal où ça gueule dans tous les sens. C'est peut-être pas le morceau le plus représentatif de ce qu'ils font, mais voilà, c'est le truc très très dense, très très lourd. Qu'on se prend bien dans les gencives et qui brise la nuque à grands coups de riff bien ouais c'est ça quoi, hyper dense. Je trouve que c'est le mot qui résume le mieux même le son est complètement le son de batterie, les triggers sur la grosse caisse ils sont pouc, ils font vraiment le gros coup qui assomme. Donc voilà, groupe pas d'une originalité exceptionnelle, mais dans le deathcore ils s'en sortent pas mal. En même temps, le deathcore, pour être original, faut déjà se lever tôt, mais en tout cas voilà, ça s'écoute assez agréablement. Coma Witch, c'est sorti toute fin 2014 et c'était The Acacia Strain, donc c'est pas facile à dire ça hein. On enchaîne avec Killer Be Killed. Donc Killer Be Killed, super groupe qui regroupe, ça fait bizarre comme phrase, super groupe qui regroupe, bon je continue avec ça. Donc Max Cavalera, qu'on ne présente plus, Troy Sanders, bassiste, chanteur chez Mastodon, Greg Puciato, chanteur chez The Dillinger Escape Plan, et enfin le batteur de The Mars Volta dont le nom m'échappe, mais c'est pas très grave. Donc ils ont composé un album ensemble qui était sorti en 2013 et qui était éponyme. Le morceau que je vous propose c'est 12 Labors, et pourquoi je vous parle de ce groupe cette semaine? Parce qu'ils ont fait leur premier concert tout récemment en Australie dans le cadre du Soundwave Festival de Melbourne. Donc voilà, groupe forcément, vu qu'ils sont, que le groupe est composé de types qui tournent avec leur groupe respectif, ça doit pas être facile niveau agenda pour trouver des dates communes, enfin un emploi du temps qui permette de dégager une date pour que tous ceux qui montent se retrouvent sur scène. C'est d'ailleurs tellement compliqué qu'ils ont pas réussi à rapatrier le batteur de The Mars Volta, et c'est finalement le batteur de Converge qui a pris les baguettes pour ce premier concert du groupe. Il y a quelques vidéos, forcément qualité moyenne, faites par des fans qui traînent sur internet, si vous avez la curiosité de trouver ça, de regarder ça, pardon. Quoi d'autre? Bah voilà, Killer Be Killed, c'est du metal. Bah, alors certains qualifient ça de groove metal, moi j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, groove metal. Mais c'est du metal assez moderne, qui alterne des phases un peu vraiment agressives, un peu rentre dedans, avec des choses un peu plus instrumental et moins, toujours avec un côté technique assez poussé, mais pas tout le temps dans l'agression pure, ce qui est pas mal. Après, l'album est assez convenu au final, il y a quelques bons titres, mais pas de quoi se sauter au plafond. En tout cas, le line-up est beaucoup plus alléchant que la musique qui en sort, mais c'est souvent le cas avec les super groupes, mais c'est pas non plus une grosse bouse infâme comme ça a pu arriver dans d'autres cas. Du coup, on s'écoute ça tout de suite, 12 Labors de Killer Be Killed, extrait donc de l'album éponyme qui était sorti en 2013, c'est tout de suite dans Apocalypse. We'll be right back. tout converge, j'aurais même pas besoin de raison pour en passer, si je m'écoutais j'en passerais toutes les semaines, mais voilà, j'ai fini par craquer et trouver n'importe quel prétexte pour le passer, donc ils ont sorti sur internet en live à Philadelphie, qui est quand même en qualité pro, donc c'est pas non plus une vidéo de fan qui vient de sortir, non, en qualité pro avec multicam, etc. Et c'est disponible sur internet, on le trouve facilement, même sur Hands Up, normalement on a relayé la news, vous devriez pouvoir trouver ça facilement. Donc Converge, qu'on ne présente pas en fait, hein, parce que c'est les pionniers du hardcore chaotique, truc qui part en couille, enfin moi j'adore ce groupe, Vénération Totale, le chanteur à la voix la plus hallucinée que je connaisse peut-être, non, il y en a d'autres qui rivalisent un peu, je pense plus dans le black metal ou avec Mayhem, etc. Mais bref, je me mélange complètement, donc... Le morceau c'était No Heroes, extrait de l'album No Heroes qui était sorti en 2006. Et donc l'actu, je viens d'en parler, c'était le live à Philadelphie. Pas énormément d'autres choses, ils passeront en France, alors je crois que c'est en mai, j'ai plus la date exacte en tête, mais je vous en reparlerai d'ici là, ça me fera une autre occasion pour vous passer du Converge, parce que c'est toujours aussi bon et j'adore ce groupe et Vénération Totale, et on enchaîne. On enchaîne avec notre découverte de la semaine, et cette semaine c'est Kanji qui s'y colle. Kanji, donc c'est un groupe composé de 5 membres, mais qui est surtout à la base un duo de 2 frères, un gratteux et l'autre qui fait des scratch, donc scratch au platine. Donc c'est ça qui est assez original dans le groupe. Ils produisent du rock metal instrumental avec une bonne technique. Les guitares sont très bien travaillées, pas mal de riffs assez riches en notes. La musique est lumineuse, plutôt lumineuse, c'est quelque chose qui n'est pas ni triste, ni sombre, ni voilà, c'est difficile à classer, c'est vaguement progressif parce que les structures du coup instrumentales, etc. sont assez travaillées, mais c'est pas non plus du prog au sens on cherche à faire des choses compliquées, c'est assez beau, assez dynamique, et du coup l'apport, donc j'y reviens, de tous ces scratchs est assez intéressant. Il n'y a pas de paroles, mais il y a quelques mots qui sont glissés comme ça au travers de scratch et de samples utilisés pour enrichir la musique. Et c'est assez intéressant, c'est donc un extrait de leur premier EP qui s'appelle Event Horizon, et le morceau que je vous propose c'est Metal Into Water, qui est un petit peu, au final pour avoir écouté l'EP 2-3 fois, ce qui résume le mieux leur musique, un morceau de plutôt long, il fait un petit peu plus de 7 minutes, et avec plusieurs atmosphères, des passages plus rock, d'autres plus metal, où le son s'alourdit un peu, mais toujours avec cette clarté au niveau des guitares qui est assez agréable. L'EP est assez long en fait, ça serait presque, enfin certains groupes sortent des albums plus courts. Les morceaux du coup sont longs, assez travaillés, pas mal de petits interludes, c'est très complet pour un EP, moi j'appellerais presque ça un album en fait. Du coup c'est leur première sortie, donc pas énormément d'autres choses à dire, ils se sont formés en 2010. Et je leur souhaite bonne chance pour la suite parce que c'est plutôt pas mal ce qu'ils produisent. Si ça vous plaît, vous pouvez écouter l'album et l'EP du coup et le télécharger en intégralité sur leur Bandcamp. C'est donc Kanji, et c'est tout de suite, c'est notre découverte de la semaine dans Apocalypse. Let's go. Thank you. Retour sur un petit peu de black metal avec cette fois du black metal non symphonique, du black metal, tout ce qu'il y a de plus black metal avec Otargos, quoique Otargos s'éloigne du black metal qu'ils pratiquaient depuis leur début avec leur dernier album qui s'appelait Apex Terror, où ils avaient abandonné tout ce qui est corpse paint, etc. Mais là c'était extrait de l'album No God, No Satan, et le morceau c'est Worship Industrialized, et là c'est vraiment donc black metal assez typé. Donc évolution avec le dernier album qui pourrait bien continuer avec donc la signature du groupe chez un nouveau label, chez un autre label, Chaotoxin, et signature pour plusieurs albums, donc c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'ils doivent bien s'entendre. Donc on attend la suite de Otargos. J'ai un petit peu moins écouté Apex Terror, faute de temps on va dire, donc je connais mieux ce qu'ils ont fait avant. Ils seront en concert en France, puis un petit peu plus tard en Angleterre, mais bon ça c'est plus compliqué pour nous d'aller voir ça, d'autant plus qu'ils sont français, donc ça serait con d'aller voir en Angleterre, mais je parle pour ne rien dire. Donc les dates des concerts seront le 20 mars à Chambéry, le 21 à Torex, ça c'est en Suisse, et le 4 avril dans le cadre du Chom Metal Fest. Voilà, vous savez tout, pour là-dessus d'Otargos, le morceau s'appelle Metal Worship Industrialized. Et bien dis donc, des fois j'ai du mal à articuler. Hein. On continue avec une enfreinte des règles que je m'étais fixée, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment une règle. Mais pour ceux qui avaient écouté l'avant-propos que j'avais fait à cette émission, j'avais dit que je ne passerais pas de Heavy parce que ça ne me plaît pas. Et pourtant, il y a quelques exceptions, et avec en l'occurrence Freak Kitchen, qui est du Heavy Metal, mais du Heavy Metal complètement foutraque avec... Mais du coup, des structures assez bizarres, ils ont un niveau technique vraiment, vraiment excellent. Ils pourraient être progueux, quoi, s'ils le voulaient, ces types-là. Mais non, ils font cette espèce de heavy assez étrange, qui est assez marrant. Les paroles sont complètement cons. Donc, le morceau s'appelle Propaganda Pie. Et c'est extrait de l'album Move qui était sorti en 2002. Et je me souviens aussi d'un clip où le chanteur était déguisé en espèce de homard. Il faisait n'importe quoi, je sais plus pour quel titre c'était. Mais donc voilà, c'est vraiment ce côté second degré assez... mais pas débile non plus, parce qu'au travers de leurs paroles, il y a quand même une critique sociale assez aboutie. À la manière un peu dans Frank Zappa, mais voilà, le côté un peu freak. Voilà, c'est exactement le mot anglais qui correspond, mais qu'on n'a pas dans la langue française. Ce côté un peu... déglingué, je sais pas trop comment traduire ce mot, c'est assez difficile. Et en tout cas, le groupe continue toujours, ils en sont à leur 8e album, et ils seront en concert en France le 13 mars à Vauréal. Je sais pas s'ils passent souvent en France, mais moi j'ai jamais... je sais qu'ils étaient passés au Hellfest, mais j'ai jamais trop vu le groupe sur des affiches, donc ça peut être une bonne occasion pour ceux qui habitent en région parisienne. Toujours les mêmes un peu privilégiés, c'est dommage, mais c'est comme ça, d'aller les voir donc au forum de Vauréal le 13 mars. En attendant, on s'écoute Propaganda Pie de Freak Kitchen. C'était extrait de Move. Beef. We do our very utmost to meet all your demands. Just sit back and enjoy while we wash our dirty hands. Diversion, the daily 6 o'clock buffet. We edit your dinner, copy in proper parts away. Special flavorings, make sure you stay obedient. Nothing's more eviction than a tempered ingredient. Try Propaganda Pie. Have a slice of life. Propaganda Pie. Have a slice. Le petit saxophone de cette intro me fait toujours des petits frissons et j'adore ces Shining the Hurting Game, extrait de l'album 111 qui était sorti en 2013 et qui est leur dernier en date. Et donc c'est Shining, évidemment les Norvégiens qui font leur black jazz et non pas les Suédois qui font leur black metal dépressif. Donc bah Shining, projet du saxophoniste, chanteur, guitariste qui fait tout. Munkeli, et ils seront en concert en France le 5 mars prochain en compagnie, enfin en première partie de Devin Townsend. Également il y aura Périphérie sur la date. Et honnêtement, Shining en live, je les ai vus une fois et je vous donnerai tout mon argent pour les revoir, c'est génial. Déjà rien que leurs morceaux normaux, on va dire, sont excellents, tellement torturés avec sa part rythmique dans tous les sens, le saxophone qui sort de nulle part et qui met sa touche complètement ouf dessus. Enfin, moi j'adore ce groupe, mais surtout quand je les avais vus, et j'espère qu'ils referont ça parce que c'était vraiment le moment où je suis devenu fou en fait. Ils ont sorti une impro free jazz d'à peu près un quart d'heure et c'est juste hallucinant. Avec une densité sonore de ouf, l'espèce de clavier 8 bits qui fait ces sons qui te rendent dingue, la batterie qui devient épileptique, les éclairages, moi c'était la tuerie quand je les avais vus, on se prenait des spots plein à la gueule, c'était complètement épileptique. Donc vraiment expérience de fou en concert et je pense que je serai là-bas pour réexpériencer ça, je sais pas du tout si ça se dit. Mais en tout cas, si vous ne les avez jamais vus en concert, allez-y le 5 mars prochain. C'est vraiment une grosse tuerie en concert, surtout qu'il y a Devin Townsend en tête d'affiche. On ne peut pas dire non à ce genre de choses. Et on va enchaîner avec notre dernier morceau, qui est un morceau d'un groupe qui n'a pas d'actu, mais j'avais envie de le passer. C'est un groupe qui me tient à cœur, que j'aime bien. Ça s'appelle Anorak, et le morceau s'appelle Damage This Day, extrait de l'album Go Up in Smoke. C'est leur dernier en date, c'était sorti en 2013. Et c'est du hardcore post-core avec des structures un peu évolutives. Assez sympa, technique de qualité, pareil en concert, il déchire tout. Bon, pas au point d'un Shining, parce que là c'est tape vraiment dans une catégorie vraiment pas spécifique, mais ils ont une bonne grosse patate et voilà, ils tournent pas trop en ce moment. Voilà, comme je l'ai dit, pas trop d'actu, donc pas énormément de choses à dire. Mais si ça vous plaît, je vous invite à aller écouter le reste de leur disco sur Bandcamp, elle est disponible à l'écoute et puis en téléchargement de Name New Price. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir les groupes comme ça, en mettant quelques euros. C'est toujours sympa pour eux, enfin voilà, je veux pas faire non plus du prosélytisme. Donc je vais m'arrêter là, et je vous dis à la semaine prochaine, puisque ce morceau sera le dernier de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien, continuez à écouter des bonnes choses, et bonne semaine à tous. Salut !